On aime ce qu'on est, ils nous détestent, on les baise. On est meilleurs, ils le savent. On est trop balèze, mec, du 7-6 jusqu'à la mort. 76 sans le Hap City. Ma ville, mon équipe, toute ma puissance vient d'ici. Bra, ils connaissent rien, on les baise. Non, pas one mec de test. On est les meilleurs, tu vois les jazz. On tient toutes les putes en laisse. On veut un max causer, quitter la lune, vivre au soleil. J'suis toujours au top pour tes oreilles. J'veux la plus bonne, nique la plus belle. Quel de ouf, c'est notre âme vie. Hors de question, rester dans l'oubli. On démerde comme on peut, ça vole, ça graisse, ça braque et bien sûr ça bibi. Au trop de picale ou gale, car nous, on se rend pas. Et c'est pas de marcher sur nos pas, que des bad boys de la street, on est les rois. N'écoute rien de ce qu'il raconte. On est meilleur, on l'a prouvé. A vous d'approuver, on s'est pas trompé. On vous laissera jamais tomber. Je représente toujours la rue, car c'est elle qui m'a élevé. Engrais n'est pas 666. Mon amour l'a enlevé. On aime ce qu'on est, ils nous détestent, on les baise.